En Suède, il y a eu le 7 dernier un rendez-vous conjoint des partis politiques progressistes et formation d'amitié scandinave à l'occasion du 72e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée. Dans la salle était exposé un tableau de peinture du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont pris part des personnalités et membres des partis politiques progressistes de Suède, du Danemark et de Finlande, des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen et des organisations d'études des idées du Juche, ainsi que l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs en Suède. Ils ont tout d'abord fleuri et rendu hommage devant le tableau de peinture des grands leaders. À la suite des discours, une déclaration solidaire est publiée en faveur de la cause juste du peuple coréen. La déclaration condamne vertement les menées d'isolement et suppression des Américains et des pays satellites et exprime du soutien et de la solidarité absolue à la lutte du peuple coréen. Ensuite, les participants ont vu le documentaire coréen « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un.